Bonjour et bienvenue sur ce chronique du manga. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 œuvres. Je suis accompagné de Yankuza. Salut Yankuza. Salut Ryudoka. Alors moi, j'ai lu Black Clover de Tabata Yuki. Est-ce que tu connais ? Absolument pas. C'est le nouveau fer de lance du Jump, enfin c'est ce qui se dit du moins, et c'est le dernier sorti chez Kaze. Si t'aimes la magie et la baston, ben disons que ce manga-là, il risque bien de te plaire. D'accord. Je vais te faire un petit résumé rapide sur le manga. Hein. Il s'agit de deux personnages, principalement un, Asta, et son ami d'enfance, Yuno. Ils ont vraiment tous les deux une véritable rivalité, mais une rivalité, je dirais, pas comme celle de Naruto et Sasuke, par exemple, parce que j'ai vu beaucoup de comparaisons là-dessus. C'est une rivalité saine. Un petit peu comme dans Bakuman. D'accord. C'est des amis, ils vont s'entraider, et en même temps, il y a ah, « tu me battras jamais ». D'accord, voilà, ok. C'est un peu ce côté-là. Le souci étant, c'est qu'ils sont dans un monde où, à 15 ans, on reçoit, lors d'une cérémonie, un grimoire en fonction de ton niveau de magie. Yuno, qui est donc l'ami de Asta, personnage secondaire, on va dire, lui, il a reçu un truc extraordinaire, un trèfle à 4 feuilles. C'est-à-dire que généralement, les gens reçoivent un trèfle à 3 feuilles. Et lui, il est tellement balèze en magie qu'il en a reçu un à 4 feuilles. Et par la suite, Yuno, lui, il a reçu que dalle parce que il est hyper fort physiquement, il s'entraîne comme un malade, mais il n'a pas un dessous de magie. Et c'est une merde, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est le gars, voilà. Et lors d'une confrontation qui aura un tout petit peu après, où il y aura un magicien qui essaiera de voler le grimoire de Yuno, un grimoire noir, hein, vraiment noir comme l'ébène, à 5 feuilles, va venir vers Yuno, vers Asta. Et du coup, ça va révéler une sorte d'épée. Alors, je sais que plus tard, il y aura d'autres armes, etc. Mais grosso modo, c'est des armes anti-magie. Et il va défoncer la tête du gars qui a attaqué Yuno. Ensuite, les grimoires, en fait, tu dis qu'il y avait 3, 4, 5 feuilles, donc ça va monter en crescendo, en fait. C'est possible, j'en sais rien pour l'instant, enfin, avec la lecture du manga. Toujours est-il que celui à 5 feuilles, il a pas l'air comme les autres. On parle de démons, etc. Donc, je suis pas bien sûr que ce soit un grimoire dit classique. Ouais, c'est un peu comme dans les One Piece avec les fruits du démon, quoi. Exactement, ouais, voilà. C'est un petit peu l'idée. Il faut savoir que du coup, il y a l'empereur mage qui est un grand héros et le meilleur magicien, etc. Et du coup, au bout d'un moment, il y a eu plusieurs empereurs mages et ils ont le tout premier a eu un grimoire à 4 feuilles, donc c'est extrêmement rare déjà ça. Oui, d'accord. Et le mec apparemment il était relativement badass quoi. Évidemment, comme un shonen classique, Asta ainsi que Yuno veulent devenir le prochain empereur mage. Oui, comme Luffy qui veut devenir le prochain seigneur des pirates, etc, etc, etc. C'est un shonen classique. Voilà, classique, c'est le Neketsu. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Il est critiqué parce que justement, on trouve beaucoup de points communs avec Fairy Tales, Naruto, One Piece, et j'en passe. Mais justement, c'est parce que c'est un shonen, comme tu dis, classique. Et c'est ce qu'on en attend, au final. Ces personnes-là qui disent ce genre de choses, je suis désolé, vous ne connaissez rien. C'est le fer de lance du Shonen Jump. Exactement. Ça existait bien avant Naruto et Fairy Tales, et même One Piece. Et je vois pas. Et on aura d'autres œuvres. Et pourtant. Black Clover a quand même sa particularité, autant que les autres mangas que j'ai cités auparavant. C'est ça, c'est qu'il faut... Il y a des mangas qui se ressemblent plus... qui se ressemblent, mais il y en a qui sortent du lot parce qu'ils ont le petit truc. Exactement. C'est exactement ça que j'ai apprécié dans Black Clover, c'est que c'est un très très bon divertissement, le dessin est super sympathique, beaucoup d'images claires, donc c'est vraiment hyper agréable à lire. Et pourtant, ça manque pas de détails. Dans certains décors, on voit bien les pierres et tout sont bien dessinées. Pourtant, c'est pas des décors sombres comme on pourrait s'attendre, par exemple comme dans Saint Seiya épisode G, où les décors sont très très sombres, très très de détails, etc. Du coup, c'est très oppressant et on a du mal à lire, je trouve. Là, c'est exactement l'inverse. D'accord. Voilà. Donc moi personnellement, je le conseille clairement. C'est un très très bon shonen. Et j'espère que ça plaira. En tout cas, je pense que certainement ça va faire un très très gros succès. Et on parle même déjà d'anime. Ah, c'est que ça veut dire que c'est sur de bonnes rails. Exactement. Exactement. À l'inverse, j'ai lu Booksters, qui est donc un manga français de Guillaume Lapeyre, Rémi Guérin et Sylvain Dos Santos aux éditions Kana, qui est sorti le 9 septembre dernier. Et là, mon avis est beaucoup plus partagé, tu vois. Ah, qu'est-ce qui va pas ? Dis-nous tout. Bon, déjà, je vais faire un petit pareil. Hein, je vais faire un petit point sur ce manga-là. Donc, il y a des maîtres de livres, donc des bookmasters, qui ont des livres, des œuvres originales. Donc, ça peut être les contes de Perrault, etc. Ça peut être plein de livres, des classiques au moins de la littérature occidentale. Pas que, remarque, puisque je dis une bêtise là, puisqu'il y a aussi Voyage vers l'Occident à un moment donné, sur l'un des personnages principaux. L'idée au départ est sympathique, mais on a vite l'impression de tomber sur un Yu-Gi-Oh!-like. Ah. C'est-à-dire, oui, je vais invoquer mon personnage de mon bouquin et tout, et puis on voit le premier combat. Oui. On se dit, bon, bah oui, c'est logique, on commence par un duel, donc on va prendre les règles. On finit le duel et on n'a pas compris les règles. D'accord, ça part très mal. Donc, je vais faire vite fait comme un résumé, c'est les bookmasters du monde entier s'affrontent dans des duels magiques lors d'un grand tournoi. Le vainqueur de ce tournoi gagne le pouvoir de créer un codex à partir d'un livre de son choix. Le héros Soul a 13 ans. Il est maître du codex des contes de Perrault. Et il n'a qu'une seule idée en tête, c'est remporter le tournoi pour créer le codex du roman de sa grande sœur. Et ainsi redonner vie à ses parents. Même si ça part là-dessus, il va y avoir vite une histoire de meurtre, puisque... apparemment, Renard, un personnage encore assez énigmatique après ce premier tome, j'ai envie de dire assez tant mieux, a tué les parents du héros. D'accord. Et aussi de celui de les parents aussi d'une amie à lui. Et forcément, l'histoire va commencer et à un moment donné, c'est ça qui va être l'élément perturbateur, c'est que Renard est revenu. D'accord. Donc, même si le scénario de base, il a l'air comme sympathique et tout, je sais pas, il y a des moments où on comprend pas trop les répliques des personnages, et ça manque de construction au final. C'est ça qui me gêne en fait dans ce manga-là, c'est que même si le scénario de base est très bien, ce qui va autour en fait ne va pas. C'est le gros défaut. Le dessin est joli, il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord. C'est les auteurs de City Hall. Donc, ouais, voilà, il y a quand même un petit background derrière, j'ai envie de dire. Moi, ce que je regrette le plus, en fait, c'est qu'au départ, je me suis extasié devant les décors qui étaient vraiment magnifiques, avec des détails et tout. Et en fait, c'est de la 3D. Ah. C'est de la 3D qu'ils ont placé derrière les personnages. Alors, est-ce que c'est l'avenir du manga ou pas ? J'en sais rien. C'est vrai qu'il a fait des réajustements par-dessus. Mais. Tu veux dire que les décors, c'est de la 3D ? C'est de la 3D, ce n'est pas du dessin. Ah, oui. Je trouve pas ça. D'un coup, j'ai un arrière-goût. J'ai pas trouvé ça très honnête en fait. Si je veux voir de la 3D, je veux voir un film ou un jeu. Je vais pas lire un manga. Un manga, je veux voir le dessin. Et pour moi, la 3D, c'est pas du dessin. Non. J'ai un peu de mal avec ça, clairement. Oui. Moi, je suis pareil. Pour l'animation en général, 3D, je suis pas très accroché. Non, c'est déjà que pour le manga en 3D, ouais, j'ai du mal. Bon, après, il y a des trucs qui sont sympathiques. Hein. Je pense à Eijin, que au final, j'avais un peu peur, ou même Berserk, où j'avais un peu peur de la 3D, puis en fin de compte, ça passe très très bien. Mais ça va pas avec tous les mangas. Et là, c'est surtout que c'est du dessin. C'est même pas de l'animé, c'est du dessin. Ouais. Moi, j'ai beaucoup beaucoup de mal. C'est juste pour gagner du temps, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, c'est gagner du temps, mais c'est pas une facilité ou... Je sais pas. Je veux dire que même au Japon, je suis pas sûr qu'ils fassent ça, en fait. J'ai pas trouvé, en tout cas, de trucs qui me faisaient penser qu'ils faisaient ça. À ma connaissance, non, je ne pense pas. Ils ont des assistants pour faire le dessin. Oui. Voilà, là, ils sont trois. Il y en a un qui a fait le scénario, il y en a un qui a fait les dessins, il y en a un autre qui a fait les découpages. C'est-à-dire que c'est pas le dessinateur qui a non plus fait les découpages des cases. D'accord. Donc, ils sont trois, on peut pas dire que c'est un travail où ils sont surchargés, en fait. Non. Surtout qu'ils n'ont pas les mêmes applications qu'au Japon, où ils doivent sortir un chapitre par semaine ou par tous les deux semaines, en fonction. Bon, quand il est sorti les deux semaines, c'est 19 pages. Hein, donc, c'est pas rien. Non, c'est pas rien, c'est sûr. Là, en fait, ouais, le coup de la 3D, moi, ça m'a laissé un arrière-goût, vraiment. Hein. Très déçu, en fait, j'ai pas apprécié ce tome. Il y a des grands placards, des moments comme le journal, en fait, qui t'expliquent qui sont les personnages et tout. Alors, des fois, c'est expliqué déjà dans l'histoire, parfois, c'est pas expliqué. Donc, parfois, on a l'impression qu'ils nous balancent ça pour pallier aux défauts du scénario. D'accord. Donc, pour ça, personnellement, ça n'a pas le niveau de City Hall, pour moi, clairement. Maintenant, à voir, hein, peut-être que l'histoire va s'améliorer, etc. Moi, j'ai plus l'impression de voir un manga industriel, en fait. Ouais, je note quoi. Quand même. Je note c'est une quand commande. Même. Moi, je pense que c'est une commande de l'éditeur. Ouais. Ouais, je pense que c'est un truc comme ça. Note spéciale, quand même, parce qu'ils font ils ont fait des efforts sur les recherches des personnages. Je trouve que le Chaperon Rouge et le Grand Méchant Loup, ils sont vraiment hyper badass, quoi. Il y a vraiment eu une recherche sur les personnages. Mais c'est vraiment le seul point positif que je peux apporter à ce manga, du coup. Je souhaite que le manga français évolue, c'est clair, mais je pense pas que ce soit la bonne direction. D'accord. Voilà. Toi, à ce qui paraît, t'as lu Skaters ? Alors, moi, oui, j'ai lu Skaters. Donc, Skaters est un manga de Hajime Tojisuki, qui est édité chez Kana depuis septembre 2016. Et ça aborde on aborde et on est initié au rudiment du skate. D'accord. Est-ce que t'as fait du skate dans ta jeunesse ? Non, mais j'en connais plusieurs qui en ont fait. Donc, le résumé du manga, c'est Akio Soga qui a 10 ans quand il découvre l'homme volant, un skateur de génie virevoltant dans les airs, dans des figures acrobatiques. Impressionné, Akio ne va cesser de se perfectionner sur son skate la nuit, loin du regard d'une mère trop protectrice. Donc là, c'est un bref résumé. Oui, bien sûr. Oui. De Skaters. Ah bah, va pas spoiler tout le monde non plus. Hein. Il faut le lire à ce moment-là. Il faut lire. Voilà. De ce que j'en ai pensé, moi, donc, premier point, c'est que j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire parce que c'est très très très technique à certains moments par rapport aux techniques qu'emploient les skaters. D'accord, c'est plus pour les fans de skate au final. Oui, parce que si t'es pas fan t'es pas fan et tout ça, c'est franchement je déconseille, mais si t'es fan et adepte de ce genre de sport, foncez-y. Ouais, tu vas tout de suite accrocher quoi, tu vas accrocher direct. Oui, ouais. Oui. Donc après le dessin est pas mal, hein. J'aime bien le graphisme, tout ça, c'est génial. Mais l'histoire, j'accroche pas. Bon après il y a un truc que j'ai pas trop compris, c'est que d'un chapitre à l'autre on passe de l'âge de 10 ans à 16 ans. Ça c'est peut-être un choix de l'éditeur japonais. Après on voit pas forcément, c'est pas précisé, voilà. Ou alors j'ai pas dû faire gaffe, mais voilà, c'est pas précisé. Parce que quand j'ai passé le chapitre où il était il avait 10 ans à Kiyo Suga. Et je vois un autre mec, je dis, mais c'est qui ça? Et après, ça fait que je me refasse un petit. Oui, du. Ah, oui, tiens, la mèche là, tout ça, oui, d'accord. En fait, c'est le même perso, mais il a vieilli de 6 ans. D'accord, ok. Pourquoi d'accord, pas. Ouais, ça arrive souvent, tu sais, quand les éditeurs disent, bah non, là, tu vois, ça marche pas parce que ton personnage, il est trop jeune, donc il faudrait le vieillir, et là, d'un coup, d'un chapitre à un autre, ça saute. Et des fois, c'est vrai que c'est pas bien amené. Oui. Oui, ça pour le coup, oui. Donc, ouais. Voilà, c'est à conseiller aux fans, aux updates du skate, ou pratiquants, le sport. Et je pense que c'est un des premiers mangas qui est centré sur ce genre de sport. À ma connaissance, j'en connais pas d'autres. Et toi ? Non, absolument pas. Donc au final, c'est bien quand même parce que ça peut. Si ça peut amener des gens vers le skate, ça, ouais, c'est bah, toujours bien. Comme Jeanne et Serge pour le volleyball, Olivier Tom comme le football. Bah oui, ouais, voilà. Bah, j'ai regardé IQ en pensant à Jeanne et Serge. En fin de compte, c'est pas tout, ça n'a rien à voir, mais même si l'univers est le même. Et c'est vrai qu'IQ, par exemple, j'ai adoré. Donc oui, je pense que ce genre de manga est bien parce qu'il peut amener des gens à aller vers certains univers. Après, c'est vrai qu'il faut savoir amener correctement et intéresser les gens à un sport. Et ça, c'est pas toujours évident. Après, oui, ça peut. Oui. Après, peut-être que si on n'est pas adepte du skate, mais ça peut convaincre la personne en lisant tout ce que. Bah, toutes les nombreuses acrobaties. C'est vrai qu'il y a des trucs de ouf, hein, que je serais même pas capable de faire, parce que je pense que je me planterais à la première figure. J'arrive même pas à faire décoller un skate, alors c'est pour te dire. Un steak, t'as failli dire un steak. Un steak, ça steak. Va. Aztec ça va, mais Asket j'y arrive pas. Donc voilà, donc c'est édité chez Kana, si je me trompe pas, oui c'est ça, chez Kana, depuis septembre 2016, et le deuxième tome, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, je pense que sûrement au mois de novembre, parce que je pense qu'il est tous les deux oui, mois. Oui, en règle générale c'est tous les deux mois, oui, donc on attend avec un... Bah écoute, moi je pense que je le lirai quand même pour voir, pour me faire mon petit avis, mais oui je pense que... Je pense que oui, je pense que je suis plutôt d'accord avec toi, avec déjà avec ce que j'avais feuilleté. D'accord. Et toi maintenant, je pense que tu vas nous parler de Boruto. Oui, parce qu'il sort le 3 novembre. Le 3 novembre en Blu-ray simple et en collector. Donc il est édité aussi chez Gana. Donc le simple est à 14,99 et le collector à 29,99. Et oui, moi j'ai regardé ce film-là et pour résumer, c'est clair, c'est un film qui te réconcilie avec la licence Naruto. D'accord. Pour moi, Naruto, surtout au point de vue de l'anime, c'était aussi le cas au niveau du manga, la fin me laissait un petit peu, comment dire, déçu. J'étais déçu de la fin. C'était une fin qu'on attendait, qui était logique, mais déjà l'anime, il est encore en cours, il me semble, au Japon, et ça traîne en longueur, ça traîne en longueur, et on s'est dit, bon, c'est bon, on en a marre de voir des ninjas. D'accord. Voilà, à un moment donné, ça va. Il y a beaucoup de... J'ai beaucoup de personnes, en tout cas dans mon entourage, qui en avaient marre de Naruto. Ah ben moi, j'ai jamais accroché. Hein. Là, donc, pour être honnête, Naruto, moi, c'est j'ai pas pour accroché, moi. Moi, directement, quand j'ai vu la première fois Naruto et tout, j'ai accroché, j'ai tout mangé, j'ai adoré cette licence, l'univers et tout. On voit bien l'aspiration d'Akira Toriyama. Oui, c'est génial. Mais le problème, c'est, bah, disons, la production derrière qui a fait en sorte d'étirer. Et je pense que c'est ça qui a tué ce manga quelque part. Et quand j'ai vu le film Boruto, au début, je me suis fait, oh, encore un film Naruto. Bon, je vais regarder quand même, je vais voir ce que ça donne. Et au final, même si on peut voir un petit peu la comparaison, forcément, entre son fils et le fils et le père, j'ai trouvé l'histoire intéressante et j'ai réussi à rentrer dedans. C'est-à-dire que les moments tristes, bah, j'étais triste, etc. J'ai vraiment été réconcilié avec cette licence. C'est vraiment un très très bon film. Je vais peut-être le résumer pour ceux qui n'ont pas vu ou qui voudraient le voir. C'est après le conflit qui a déchiré toute la région de Konoha, qui connaît enfin la prospérité et le progrès. Dans ce contexte, paisible, bah, Naruto est nommé 7e Hokage, comme il fallait s'en douter forcément. À la tête du village, en plus que j'ai dit il y a 5 minutes. donc Konoha. Il prépare donc du coup le prochain examen des ninjas de moyenne classe. Et donc forcément il est marié avec Hinata et donc il a un fils et une fille. Donc le fils forcément qui est l'intérêt aujourd'hui Boruto. Et la fille s'appelle Boruta ? Non, je ne me rappelle plus du tout le nom de la fille, je ne me rappelle plus. Je sais que Boruto est très protecteur vis-à-vis de sa sœur, ça c'est sûr. Il est loin d'être un cancre comme son père, hein. Même si son père avait une excuse avec le Kyubi, puisque forcément il ne pouvait pas maîtriser son chakra, puisqu'il y avait Kyubi avec lui. Donc il arrive à faire les clones et tout, mais bon, du coup, le problème c'est qu'il va se mettre à tricher pour pouvoir attirer l'attention de son père qui est débordé par le travail. Et comme il n'a jamais vraiment eu de père au final, hein, il a eu des personnes qui ont joué ce rôle là, mais personne n'a jamais vraiment joué le rôle de père. C'est un peu le Gohan dans Dragon Ball où c'est plus Piccolo qui s'est occupé. C'est ça en fait. C'est-à-dire, grosso modo, il a du mal à faire le rôle de père. Il essaye pourtant, on voit bien que Naruto se donne un maximum pour essayer d'être un bon père, etc. Et en même temps, faire les tâches de Hokage qui sont quand même énormes. Et on voit bien qu'il souffre de ne pas pouvoir le faire et Boruto souffre aussi de ça. D'accord. Et Boruto cherche vraiment l'admiration de son père. Tellement en fait que même Naruto va demander à Sasuke de prendre Boruto, donc son rival, de prendre Boruto comme élève. C'est dingue en fait. Parce qu'on voit ça, du coup, on voit c'est dingue. Tu fais waouh, jamais tu aurais pu imaginer ça. J'ai vraiment apprécié ce film. Les enjeux, voilà, on ressent tous les enjeux, les souffrances des personnages. On voit les nouvelles technologies qui apparaissent, donc où on peut utiliser n'importe quel ninjutsu grâce à des mini-rouleaux. Franchement, oui. Alors après, est-ce que ce sera diffusé en série ou pas, je sais pas. Je sais qu'il y a déjà donc forcément de la BD qui est sortie. Le manga. Est-ce oui. que ouais le manga, mais est-ce que ça va continuer en sérialisation? Ça, j'en sais rien du tout. Moi, pour l'instant, ce que je peux dire à mon niveau, c'est que c'est une belle conclusion, une belle aventure que je peux que recommander. D'accord. Voilà. Donc pour rappel, hein, il sort le 3 novembre. Et les 7, oui, donc il y a deux éditions, une simple et la collector, qu'est-ce qui contient des infos Alors, il y a rien, j'ai rien d'indiqué. Je sais juste que la boîte est plus jolie. Oui, d'accord, packaging, voyons, ça fait cher. Je, là. je suppose qu'il y a un packaging, bien sûr, avec, mais j'ai pas eu de précision là-dessus. Mais en tout cas, bon, même si vous prenez que le simple, déjà, ce sera déjà, je pense qu'il va y avoir des cartes, des posters, des trucs comme ça, quoi, probablement. Donc ça peut faire un beau cadeau de Noël. Ça peut faire un très très beau cadeau de Noël. Je pense que pour tous les fans de, si vous avez des enfants ou même vous, hein, qui aimez Naruto, bah voilà, vous avez votre cadeau de Noël, quoi. D'accord. Voilà. Bah j'espère que ce petit épisode de Chronique de Manga vous a plu. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Yann. Bah pour une première, bah. Hein. On est pas on se cherche, voilà. On se cherche. Mais bon, ça va venir au fur et à mesure du temps. Donc, d'autres chroniqueurs vont nous rejoindre au fur et à mesure. Donc, j'espère. Pas, hein. Ah, ce serait bien. Hein. On va essayer, alors peut-être pas de faire ça mensuellement, mais on va voir en fonction des sorties, de ce qu'on nous propose aussi à côté. Donc, vous attendez pas à avoir un épisode pour l'instant tous les mois, même si je vois déjà l'épisode du mois prochain qui se profile, hein, probablement sur Golem. Équipe Z et Perfect World. Ah bah tiens ça, j'étais pas au courant. donc voilà, bah oui, parce que bah, du coup en fait... T'es pas du tout au courant parce que bah, du coup t'as aucune de ces chroniques là. Exactement, je savais pas qu'il y en avait déjà trois autres. Voilà, du coup ça se profile, mais du coup c'est bien parce que du coup vous allez pouvoir entendre plusieurs personnes exprimer leur avis différemment et je pense que c'est ça qui est intéressant. Mais surtout n'oubliez pas, c'est pas parce que c'est notre avis que c'est forcément le meilleur, il faut que vous fassiez le vôtre. Je pense que ça sera la phrase d'accroche de fin. Exactement, voilà, je pense que c'est sur ce mot-là, on vous dit à bientôt sur Radio Anime, forcément. Salut. Salut.